13e chapitre. Comment ils se rendirent à la fête. Mais laissons là toute leur fatigue, et disons comment Dame Kriemhild et ses vierges se rendirent du pays des Nibelungen vers le Rhin. Jamais Aquenée ne transportèrent plus splendides vêtements. On envoya par la route beaucoup de chevaux de bât portant les coffres, et voici que chevauchent avec leurs compagnons Siegfried, la vaillante épée, et la reine, tous deux pleins de joyeuses pensées. Depuis lors, de grands malheurs vinrent les frapper. Ils laissèrent chez eux le petit enfant de Siegfried, le fils de Kriemhild. Il n'en pouvait être autrement. De ce voyage de fête, il lui arriva grande infortune. Jamais plus le petit enfant ne vit son père ni sa mère. Le seigneur Siegmund cheminait aussi avec eux. S'il avait pu prévoir ce qui devait survenir bientôt pendant ses réjouissances, certes, il n'y aurait pas assisté. Jamais en des personnes plus chères, plus grand malheur ne pouvait l'atteindre. Ils envoyèrent des messagers en avant pour annoncer leur arrivée. Un grand nombre des fidèles d'Ouot et des hommes de Gunther s'avancèrent à leur rencontre. Le roi se prépara en hâte à aller au-devant de ses hôtes. Il alla trouver Brunhild là où elle se trouvait assise. « Ainsi que ma sœur t'a reçue quand tu arrivas en ce pays, de même tu recevras la femme de Siegfried. »« Je le ferai volontiers, » répondit-elle, « car, non sans raison, je lui suis dévouée corps et âme. »« Il nous arrive demain matin, » reprit le roi puissant. « Si tu veux les recevoir, il faut te hâter, afin que nous ne les attendions pas ici dans le bourg. Jamais hôte aussi cher n'est venu vers moi. » Elle ordonna aussitôt à ses femmes et à ses vierges de chercher de beaux vêtements, les plus riches qu'on pût trouver, afin que sa suite s'en revêtît en l'honneur des étrangers. Point n'est besoin de dire qu'elles le firent volontiers. Les hommes de Gunther venaient en hâte lui offrir leur service. Il appela à lui tous ses guerriers. Et voilà la reine qui magnifiquement chevauchait. Que de salutations furent faites aux hôtes chéris. Avec quelle démonstration de joie ont reçu les étrangers. Il semblait même que Dame Kriemhild n'avait pas si bien reçu Brunhild à son arrivée au pays des Burgondes. Ils furent heureux ceux qui virent tout cela. Maintenant, voici venir aussi Siegfried avec ses hommes. De toutes parts, dans la plaine, les guerriers chevauchaient de côté et d'autre en troupes formidables. Personne ne pouvait éviter la foule et la poussière. Quand le chef du pays aperçut Siegfried et Siegmund, comme il leur parla affectueusement. « Soyez les très bienvenus pour moi et pour mes amis. Nous sommes fiers et heureux de votre voyage à notre cour. »« Que Dieu vous récompense !» dit Siegmund, cet homme fidèle à l'honneur. « Depuis que Siegfried acquit votre amitié, j'avais dans l'âme le désir de vous connaître. » Le roi Gunther répondit, « La joie m'en a été accordée. » Siegfried fut reçu, comme il lui revenait, avec les plus grands honneurs. Nul ne lui voulait de mal. Gisler et Gernot déployèrent une grande activité. Jamais on n'accueillit aussi cordialement des hôtes chéris. Les femmes des deux rois s'avancèrent l'une vers l'autre. Chacun s'empressa de descendre de cheval. Mainte dame charmante fut déposée sur le gazon par la main des guerriers. Comme il y en avait là d'infatigables à rendre service aux femmes. Les deux gracieuses reines s'accostèrent. Leurs saluts réciproques, qui se firent si affectueusement, causèrent une grande joie au cœur de maints chevaliers. On voyait là bien des héros qui ne se lassaient pas d'obliger les dames. Les personnes de la suite se serrèrent la main. C'était un plaisir pour les hommes de Gunther et de Siegfried de voir l'échange des nombreuses salutations et les tendres baisers que se donnaient les dames richement vêtues. Ils ne s'arrêtèrent pas plus longtemps et cheminèrent vers la ville. Le roi ordonna qu'on montrât à ses hôtes le plaisir qu'on avait à les recevoir. On exécuta devant les jeunes vierges plus d'une joute brillante. Hagen de Trondheim et Ortwin firent bien voir toute leur vigueur. Nul n'osait désobéir à leurs ordres, et ils rendirent main service aux étrangers chéris. Devant la porte du bourg, on entendit retentir les boucliers sous les coups et sous les chocs. Le roi et ses hôtes attendirent longtemps avant de passer outre. Le temps s'écoulait vite parmi ces divertissements. Joyeux, ils chevauchèrent devant le vaste palais. On voyait de tous côtés flotter sur les selles des dames richement vêtues, des carapaçons bien coupés et magnifiquement ornés. Les hommes de Gunther s'avancèrent. Sans retard, ils conduisirent les étrangers à leurs appartements. Pendant ce temps, Brunhild jeta ses regards sur Kriemhild, qui était vraiment belle. L'éclat de son teint luttait avec avantage contre la splendeur de l'or. On entendait retentir de tous côtés dans la ville de Worms les cris de joie des guerriers. Gunther ordonna à Dankwart, son maréchal, de prendre soin d'eux. Celui-ci s'occupa aussitôt de loger convenablement toute leur suite. Dans les salles et en plein air, on servait à manger. Jamais hôtes ne furent mieux traités. Tout ce qu'ils désiraient était à leur disposition. Le roi était si riche que nul n'essuya un refus. On les servait en toute affection, sans nul mélange d'inimitié. Le roi s'assit à table avec ses hôtes. On pria Siegfried d'occuper la place qu'il avait eue jadis. Maints vaillants hommes allèrent reprendre leur siège avec lui. 1200 guerriers étaient assis là, à table, en cercle. Brunhild, la reine, pensait en elle-même que leur homme lige était le plus riche du monde. Pourtant, elle lui voulait encore assez de bien pour ne point le mettre en péril. Vers le soir, le roi présidant au banquet, plus d'un riche vêtement fut souillé de vin répandu, car les échansons devaient suffire à toutes les tables. Le service était fait avec une activité extraordinaire. Quand la fête se fut prolongée assez longtemps, on engagea dames et damoiselles à aller prendre du repos. Le roi montrait de la bienveillance à chacun, de quelque pays qu'il fût venu. On les traita tous avec honneur et bienséance. Quand la nuit fut à sa fin et que le jour parut, la main des femmes tira des coffres de voyage, de riches vêtements, sur lesquels brillaient maintes pierres précieuses. On prépara plus d'un splendide costume. Avant qu'il fît tout à fait jour, un grand nombre de chevaliers et d'écuyers parurent dans la salle. On entendait les sons d'une messe du matin qu'on chantait pour le roi. Maint jeune guerrier s'y rendit, ce dont Gunther leur sut gré. Le bruit des trompes résonnait au loin avec grand fracas. Le tapage des flûtes et des trompettes était si fort que Worms, la très grande, en retentissait tout entière. De tous côtés, les héros au fier courage arrivèrent sur leurs destriers. Une joute animée commença dans la plaine entre plusieurs braves chevaliers. Il y en avait là un grand nombre. Cela donnait bon courage même aux jeunes cœurs. On voyait briller sous le bouclier mains et mains guerriers valeureux. Les nobles dames étaient assises aux fenêtres, ainsi que les belles vierges. Leurs vêtements étaient richement ornés. Elles regardaient les divertissements de ces héros intrépides. Le roi, avec ses amis, commença aussi de chevaucher. Ainsi passèrent-ils le temps. Certes, il ne parut pas long. On entendit dans la cathédrale le son de toutes les cloches. Alors on amena les haquenets et les dames partirent. Maint homme courageux suivait les nobles reines. Elles mirent pied à terre sur l'herbe devant l'église. Brunhild était encore bien disposée envers ses hôtes. Ils entrèrent, portant la couronne, dans la vaste nef. Depuis lors, l'affection fit place à une épouvantable jalousie. Après qu'elles eurent entendu la messe, elles se remirent en marche avec la même pompe. On les vit pleines de joie se diriger vers le banquet. Leur gaieté ne cessa point durant toute cette fête, jusqu'au 11e jour. La reine roulait cette pensée dans son esprit. « Je ne puis pas attendre plus longtemps. Quelque peine qu'il m'en coûte, il faut que Kriemhild me dise pourquoi son mari, qui est notre homme liege, nous a privés si longtemps du service qu'il nous doit. Je ne veux point renoncer à faire cette question. » Ainsi, elle attendit le moment que le diable lui conseilla. Elle transforma les fêtes et les plaisirs en douleurs et en larmes. Ce qui lui tenait au cœur devait venir au jour. Pour cela, maint pays fut plongé par elle dans l'affliction.